tres petites notes de música que obren en el dia d'avui una nova edició del vostre espai Hola la Música amb Rafael Corbí i la música cantada en francès. Comencem amb Yves Montand i aquesta cançó que ens arriba. Aquí escoltem la bona música i els bons ritmes i com sempre us demanem la vostra col·laboració per estar al nostre costat. A Jazznàtics, amb el nostre blog Spot, ho trobaràs. De musique on plie boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Seguim endavant amb el nostre programa després de la introducció. Com sempre, cançons que ens parlen de música amb aquesta temporada és el que fem servir per iniciar el nostre espai. Rafael Corbí al vostre costat i avui, atenent a les sol·licituds d'un dels nostres oients, d'una de les nostres oients, la Valèria, que ens demanava més cançons d'en Thomas Dutronc. Recordem que fa una sèrie de programes amb el 123 havíem escoltat quatre peces del seu àlbum Frenchy, aquest motiu que de vegades és despectiu referint-se a la gent de parla francesa. Bé, doncs d'aquell àlbum vàrem escoltar quatre grans cançons, quatre temes que ens recordaven l'ahir. Ell els tocava a la seva manera, la Vian Gou, la Sifon, la Velvi, o també aquella d'Un Home et Una Femme. I avui escoltarem dues cançons més que he triat, tres cançons més que he triat d'aquest àlbum. Estem parlant del disc Frenchy, publicat a 2020. Thomas Dutronc, doncs, amb La Mer, Petite Fleur i Plus Je t'embrasse són els tres temes que escoltarem. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand. Ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her home. boat and go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Espai de la música, hem decidit a traspassar la frontera dels Pirineus i escoltar cantants espanyols que han fet part de la seva carrera artística en francès o que hi han destacat d'una manera o una altra. Avui un nom ens portarà dues cançons i un altre nom ens portarà moltes cançons. Després d'haver escoltat a Thomas de Tronc, sentirem a Miguel Bosé, La primera de les cançons, amb Natasha Saint-Pierre, amb el tema Tu trobarà, i després Le Bleu de Louis ens aportarà també la seva música amb en Miguel Bosé. Aquesta darrera cançó, una de les peces de l'any 1997 que ens portava aquest intèrpret. Per tant, comencem aquest repàs al sud dels Pirineus amb Miguel Bosé. Demi-mot, mais faut pas mes maladresses. Maladresses, c'est de l'amour Aime-moi, aime-moi someday. J'aimerais Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. A continuació, i durant uns minuts, serà Ana Torroja qui ens acompanyarà. Exhaust Amb els propers minuts serà Ana Torroja, la cantant madrilenya nascuda el 1959, una de les veus més personals i que es reconeixen de seguida, que es deu bona part a l'èxit que va tenir com a vocalista del trio Mecano des del 82 al 92 i després també a finals dels 90. Aquest disc que estem escoltant es deia Ana Torroja, ella vivia a París també en aquell moment i va decidir treure un àlbum en francès. Contràriament a les primeres informacions de l'època, i recordo molt especialment uns anuncis que havia fet a los 40 principales, doncs no va ser el seu primer àlbum en francès, perquè anys abans havia fet una versió sencera d'aquell àlbum Puntos Cardinales, que havia editat també en francès. Aquest era el seu segon disc, en el qual aquesta va ser la primera cançó que es va publicar a França i que, diuen, va tenir una bona acollida, tot i que ella també sempre ha comentat que va ser un dels seus fracassos, sobretot la gira que va fer després per diferents ciutats franceses. Tot això va ser el seu pas per França, amb aquest àlbum que avui escoltem, aquest Ana Torroja del 2001, del 19 de novembre del 2001, que li va permetre produir el seu següent treball. Hi havia diverses cançons, 7 cançons en francès, 5 d'elles inèdites, i les altres ja conegudes del seu anterior disc. D'Ana Torroja hem escoltat aquest primer senzill, Ma Prière, de Maxime Nuzzi, però també escoltarem altres cançons, com per exemple el duet que hi va incloure, i també prou conegut, Qu'il est drôle, d'Ana Torroja amb Patrick Bruel. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit avec ça? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants

ce monde, perdu parmi les perdants. Si tu tombes sur la colère d'un volcan pris dans l'ombre, qu'au lieu de ça, Torroja, entre nosaltres. Encara podríem escoltar més cançons, però de moment ho deixem estar aquí. Un èxit que no li va venir sol, perquè recordem que aquell àlbum de Mecano, del 88, el Descanso Dominical, ja va ser un èxit a França, i també l'àlbum de comiat del trio, aquell Ana José Nacho, que a Espanya va ser doble, a França va ser un àlbum senzill, en 17 talls, alguns dels quals van ser els seus èxits més grans, més amunt dels Pirineus. Aquí també, doncs, hem escoltat la seva música amb aquest segon àlbum que va publicar la cantant madrilenya en francès, l'Ana Torroja. I entre tantes veus femenines, abans de passar a la següent, doncs, què tal si escoltem alguna altra de les bones cançons que ens aporta el nostre espai? És la música ara mateix de Luz Casal. En dues de les cançons que també va publicar al llarg de la seva carrera el cantant gallega nascut a Corunya el 1958 en francès. Si me ve a partir, et refermer. pardon mon cœur, pardon si je pleure, pardon d'aimer, pardon d'essayer de t'emporter, vivant entre mes souvenirs. C'est pas une heure pour quitter un homme, c'est pas une heure pour croire en personne. Tu peux rester dormir entre mes souvenirs. Tu peux rester dormir entre mes souvenirs. Toi seul pour moi, tu peux toujours pas rêver. la música de Luz Casal, seguim també amb un cantant amb moltes influències franceses, tantes que la seva mare ho era, el compositor i cantant malagueny Pablo Moreno. 1989 el va veure néixer. Com a Pablo Alborán és com se l'ha conegut, i aquest artista ens va portar el 2015 aquest Ne m'oublie pas, una de les cançons cantades precisament també en francès i que estem escoltant en el dia d'avui a través del nostre espai, amb el qual gairebé acabem el programa. Laisse-moi te dire ma vie depuis ton absence, et te montrer en moi le vide qui lui enlève tout son sens. Laisse-moi te revoir, encore une fois te regarder, retrouver au fond de tes yeux ce qui me donne envie d'exister. Passés nous emmènent ailleurs, se trompent d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Ne et quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment l'aimer si tu te rappelles de moi? Marche des heures et je t'espère sur ma route. Au lieu de me suivre, tu as choisi de suivre tes doutes. Quand il dit qu'il t'aime, je voudrais que ce soit mes mots. Et quand ses mains te touchent, que tu n'oublies jamais ma peau. Passe et nous emmène ailleurs, se trompe d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Ferme les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment l'aimer si tu te rappelles de moi? Et si l'on pouvait changer les choses, remonter le temps, trouver les mots, oser tout dire. Et si l'on voulait changer les choses, est-ce qu'une autre chance pourrait un jour nous réunir? Je te retiens au fond de moi, et rien au monde ne t'effacera. Ne m'oublie pas quand il serre dans ses bras. Ne m'oublie pas même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Ne m'oublie pas et quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins aquí el programa d'aquesta setmana de Olala Música, que hem compartit en la música sol·licitada per la Valerie de Tomàs Dutronc. Després hem continuat amb aquest cop d'ull cap al sud dels Pirineus amb Miguel Bosé, Anna Torroja, Luz Casal, Pablo Alborán cantant en francès. Fins al final del programa amb una altra de les cançons d'aquell àlbum que hem repassat d'Anna Torroja, que ens acompanya amb les notes, aquests cors, una versió d'aquell tema que va compondre precisament al costat, originalment en castellà, de Miguel Bosé. Serà fins la propera, gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure. La lune n'est pas belle sans toi. Tu vois, il y a des cœurs longs qui prennent leur temps. Avec les fous, ils tanguent avec le vent. Vu qu'il faut être à deux pour battre en cœur. De cœur en cœur, ils cherchent leur âme sœur. Dans les caresses de ta guine, je ne prends pas de plaisir à mes blessures sans toi. Tu vois, dans un feu de cœur, le mien perd le nord. Du coup, mes émotions vivent de bord. Une promesse d'amour pour bagage, à l'horizon de cœur, peine le large. L'amour, une fois de plus, me prend de court. Entends-tu aussi ce bruit sourd? C'est mon cœur qui fait boum boum comme un tambour, boum boum. L'amour prend la nuit plus douce que le jour. Et si je lui donne libre cours, c'est mon cœur qui fait boum boum comme un tambour, boum boum boum boum. Le tien par contre est spécial, il m'épargne. Je n'imagine pas de vie, pas d'histoire sans toi. Tu vois, dans un flot de cœur, le mien perd le nord. Du coup mes émotions vivent de bord. D'une promesse d'amour pour bagage, à l'horizon le cœur peine le large. De plus je me prends de court. Entends-tu aussi ce bruit sourd? C'est mon cœur qui fait boum boum comme un tambour, boum boum. L'amour rend la nuit plus douce que le jour. Et si je lui donne libre cours, c'est mon cœur qui fait boum boum comme un tambour, boum boum boum boum. Il y a des cœurs lents qui prennent leur temps. Avec les fous ils tanguent avec le vent. Vu qu'il faut être à deux pour battre en cœur. De cœur en cœur ils cherchent leur âme sœur. Dans un peu de cœur, le mien pour le nord. Du coup mes émotions vivent de bord. Une promesse d'amour pour bagage. À l'horizon le corps.